Mungu wetu na baba yetu, muwakati ya mangaribi tuko na kupikia asante. Juu ni we ulichikia muhimu kini ya kambo kupate kuya salama, juu tupate kusanika Senyeru muinamu. Na sawa baba yetu aweze kutukusanisha muinamna, na we ushindo kia we kutuambia. Kuko paka masauti fulani Senyeru, ile ambayo we Mungu wa kumbingu uliweza kutuchungia mshiku ya leo. Utukaburie Seigneur ma disposition mzuri, na utufahamishe Seigneur Jesus Christ mapenzi yako mshiku ya leo, juu tupate kuelewa Seigneur kusema kumashiku ya banadamu huku kwetu bantu ba mataifa neema iko karibu kumalizika. Itilize mtumishi wako Seigneur kuisama wakati wote ataanza kusema Seigneur, tupate kusema Seigneur sipa kutoka paifashi kusema ilikuwa mzuri kwetu kuya mpresansi wa milele. Utubariki shie bote kumwanzo na kumwisho, wewe upate kuvuma yote juu tukufia jina yako. Mungine Yesu Kristo na kulomba hivi. Amen. Amen. Jeremie chapitre 31. Yeremia 12:1. Dans son verset 16 à 17. Mustari ya 16 paka 17. Jeremie chapitre 31. Yeremia 31, verset 16 à 17. Mustari 16 paka 17. Ainsi parle l'Éternel. Ivi wa milele anasema. Retiens tes pleurs. Nyamazisha kilio kiako. Retiens les larmes de tes yeux. Tosha machozi ya kumacho yako. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ju kutakuya mushara matendo yako ivi wa milele anasema. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Batarudiaka ku inchi ya adui. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Kuko matumaini kumashiku yako ya kumbele ivi wa milele anasema. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Batoto yako batarudiaka mujimbo yabo. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomi ya neno yake. Si cela est la volonté de Dieu, kama ile ni mapenzi ya Mungu, nous allons clôturer la pensée qui était restée. Tutamaliza ile wazo ambayo ilibakia. Demain matin, si cela est possible, je serai à Lubumbashi. Na kesho asubuhi kama bikiwezekana mitakuya ku Lubumbashi. Pour l'enterrement de notre frère Ilungangoi, serviteur de Dieu. Juu ya maziko ya nduku yetu Ilungangoi, mtumishi wa Mungu. Qui est décédé il y a deux jours et qui sera enterré demain. Alikufa kuna kwa mashiku mbili na atazikwa kesho. Nous avons voulu parler sur ces cinq points. Tulipenda kusemea hapa hii manukta tano. Pour éclairer certaines zones d'ombre qui étaient restées pendant qu'on parlait. Juu ya kuangazia ma bimvuli fulani bile bibakia wakati tulikuwa nasema. Comme je l'avais souligné, cela est important pour comprendre les 70 semaines de Daniel. Paka vile milisema kusema iko ya mafaa juu ya kuelewa ile majuma 70 ya Daniel. Ces 70 semaines qui concernent particulièrement Israël et non les nations. Ile majuma 70 yenye kuangalia paka Israel hapana batu wa mataifa. Nous avons montré depuis hier, tulionesha tangia jana, que Jérusalem sera la cause de la guerre d'Armageddon. Kusema Yerusalema yonjo itakuwa shina ya mvita ya Armageddon. C'est après la guerre d'Armageddon. Nikisha ile mvita ya Armageddon. que le millénium viendra. Mule miaka elfu moja itakuya. Mais avant que le millénium ne soit installé, lakini mbele ya ile miaka elfu moja ipate kuanza, comme l'avons montré, il y a une période de transition. Vile tulionesha kusema kuko wakati moya. Il y a une période de transition. Kuko wakati moya fulani ya kupitia. Cette période est nécessaire pour préparer l'entrée au millénium. Ile wakati kwa mafaju ya kutayarisha kuingia kwa ile miaka elfu moja. Et c'est pendant cette période, na ni mwile wakati, avant le règne de 1000 ans, mbele ya utawalo ya miaka elfu moja, qu'il y aura un jugement général de tout le monde. Mule mutakuya hukumu ya bantu bote. Même l'épouse sera jugée. Ata bibi wa harusi atahukumiwa. Les 144 000 seront jugés. Ba 144 000 nabo batahukumiwa. Les vierges folles seront jugées. Bikira mpumbafu naye atahukumiwa. Les nations seront jugées. Mataifa itahukumiwa. Avant l'installation du millénium. Mbele ya kwanza kwa miaka elfu moja. Mais vous devez retenir une chose sur ce jugement. Lakini munapasa kushika kitu kimoya kuile mahukumu. Pendant ce jugement, wakati ile hukumu, il n'y aura pas de condamnation. Hakutakuwa malipizi. Mais c'est un jugement pour établir la vérité sur la vie que chacun de nous a mené sur cette terre. Lakini takwa ni hukumu juu ya kuonesha bujima maisha ile kila mtu alishaka pa hii dunia. Sur la manière dont nous avons vécu sur cette terre, munamna ile ambayo tuliishi pa dunia, sur les œuvres que chacun de nous a commises dans la chair, pendant qu'il était dans la chair. Yule matendo ile kila mmoja wetu alitenda wakati alikuwa mumwili. Tout le monde passera devant le trône de Christ pour être jugé. Kila mtu atapita kuezi ya Kristo juu apate kusambishiwa. C'est pourquoi en tant que fils et fille de Dieu, ndio kwa maana sawa mtoto mwanaume na mwanamke wa Mungu, même après avoir reçu la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, atakisha kupokea kuzalika kwa mara ya pili na ubatizo wa Roho Mtakatifu, nous devons veiller sur notre comportement, sur nos pensées et les œuvres que nous posons dans cette chair. Tunapasha kukesha yule ya mwenendo wetu na yule ya matendo ambayo tuko natenda mwili. Et nous serons jugés avant d'être couronné et avant d'entrer dans le millénium. Na batatu sambishaka mbele ashi kubeba taji na mbele ya kuingia kwa miaka 1000. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Mu wa Korinto wa pili sura yake ya 5. Commençons au verset 9 et 10. Tuanzie pa mstari wa 9 na wa 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est Paul qui dit. Na ni juu ya ile tuko na jikaza tupate kumpendeza. Soit que nous demeurions dans ce corps, ao kama tukikua tukingale mwili, soit que nous le quittions, ao tukikua tunatoka amo. Paul fait partie de l'épouse. Paulo anapatikana ndani ya bibi harusi. Il était sauvé, aliokolewaka. Il était baptisé du Saint-Esprit, alibatizwaka na Roho Mtakatifu. Mais écoutez comment il parle aux Corinthiens. Lakini sikiliza namna iko nasunguza kule kwa Korinto. Il dit malgré ces expériences que nous avons eues avec le Seigneur, anasema hata maonjo ile tulipata na Bwana, malgré cela, nous devons nous efforcer à être agréable au Seigneur. Hata vile tunapasha kujikaza juu tupate kumpendeza Bwana. Pendant tout ce temps que nous allons demeurer dans ce corps. Mui wakati yote ambao tutaikala mui mwili. Verset 10. Musari akumi. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Sababu inatupasha shebote twende tukasambe kumbele ya hukumu ya Kristo. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Kusudi kila mtu apate kupokea kufuatana na vizuri au vibaya ambao alitendaka wakati alikuwa mwili. Bien-aimé frère et sœur. Bapendwa nduku na dada. Nous devons toujours nous rappeler de cela. Tunapasha kila mara kukumbuka ile que nous serons jugés. Kusema shie tutenda mkusamba. Et connaissant la crainte de Dieu, na benye kujua oga wa Mungu, et sachant que nous avons un jugement devant nous, na benye kujua kusema kuko kisambo kumbele yetu, nous n'avons pas la liberté de vivre comme nous le voulons. Atuna na ruhusa ya kuishi vile shebe benye tunapenda. Il n'y a personne qui sera épargné de ce jugement. Akuna mtu hata moyo ule ataepushwa kuile kusamba. Chaque pasteur sera jugé. Kila mchungaji atasambaka. Sur sa propre vie. Yulu ya maisha yake mwenyewe. Sur les actes qu'il a commis dans la chair. Yulu ya matendo alitendaka mumwili. Sur chaque jugement qu'il a fait dans l'église. Yulu ya kukata kwa mambo kote ambayo alikataka mkanisa yake. Il sera jugé sur chaque conseil qu'il a donné à chaque fils et fille de Dieu. Batamsambishaka kukila shauri ile alikaburi yaka mtoto nduku au dada. Si un berger avait donné un mauvais conseil. Kama mchungaji aliletaka shauri mubaya. Qui a eu des conséquences malheureuses sur un fils ou une fille de Dieu? Ile ilikuwa na matokeo mubaya yule ya nduku au dada. Il répondra pour cela. Atasambaka yule ya ile. Si un prédicateur, kama mhubiri, a apporté quelque chose qui n'était pas conforme à la parole, alihubiriaka kitu kimoya kikuwa nambatana na maandiko, il sera jugé. Atasambaka. Vous voyez, mnaona, parce que c'est lui, Jésus-Christ, ni yeye Yesu Kristo, qui est le juste juge. Mwenye kwa mwamzi wa haki. C'est pourquoi en tant qu'homme de Dieu, ndio kwa maana sawa mtu wa Mungu, tout serviteur de Dieu, kila mtumishi wa Mungu, tout berger, kila mchungaji, tout diacre, la shemasi, doit poser des actes responsables dans sa vie. Anapasha kutenda matendo yenye kuwa na madaraka maisha yake. Dans l'église, kanisa, sachant qu'il répondra pour cela. Mwenye kujua kusema atenda kuisambia. Comment nous avons conduit les assemblées? Namna kani tuliongozaka makutano? Nous serons jugés pour cela. Tutasambaka yule ya ile. Pour chaque conseil qui a été donné dans chaque couple. Kwa kila shauri liletewako kwa kila ndoa. Nous serons jugés. Tutasambaka. Comment nous avons traité les enfants de Dieu? Namna ambao tulitendeaka watoto ya Mungu. Comme responsables. Sawa binikuwa na madaraka. Comme leurs conducteurs que Dieu avait placés pour les aider à bien marcher dans la voie du Seigneur. Sawa biongozi bale Mungu alibawekea juu ya kuongoza kutembea mjia ya Bwana. Nous serons jugés. Tutasambaka. C'est vrai. Ni kweli. Tout le monde. Bantu bote. Pasteur. Mchungaji, diacre, shemasi, trésorier, mchungazina, administrateur, conducteur de chant, mwongozi wa mimbo, choriste, wa choriste, membre laïque, membre mkanisa. Vous voyez, unaona, tout celui qui a reçu même un don de la part du Seigneur, il sera jugé. Yeyote yule ambaye alipokea hata zawadi ya kutokea kwa Bwana atasambaka. Chaque parole qui est sortie de votre bouche. Kila neno litoka mkinywa chako. Chaque pensée qui s'est levée dans votre esprit. Kila wazo lililoamka mawazo yako. Chaque acte que vous avez posé. Kila tendo litendaka. Tout en étant dans le corps. Mwenye kuya mumwili. Vous serez jugé au tribunal de Christ. Utenda kusamba kuhukumu ya Kristo. C'est vrai. Ni kweli. Dans Romains au chapitre 14. Mu wa Roma 14 dans son verset 10 nous lisons mais toi lakini we pourquoi juges-tu ton frère Dianini uko na tambisha ndugu yako ou toi pourquoi méprises-tu ton frère na Dianini we uko na dharau ndugu yako puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, verset 12, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est vrai. C'est pourquoi nous devons être sages. Et marcher dans la crainte de Dieu. Na kutembea muboka wa Mungu. Sachant que nous répondrons. Benye kujua kusema tutaenda kusamba. Pour chaque acte que nous avons posé dans le corps. Yule ya kila tendo ambao tulitendaka mumwili. Le berger t'avait donné un conseil. Mchungaji alipatiaka shauri. Tu avais pétiné cela. Ulifunyangaka ile. Tu répondras. Utenda kusamba. Tu avais méprisé un frère. Tu avais méprisé une sœur. Tu répondras pour cela. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et si nous savons que nous devons comparaître devant le tribunal de Dieu, nous marcherons avec crainte et tremblement pendant tout notre séjour sur cette terre. Dans Ecclésiaste au chapitre 12, dans son verset 15 à 16, écoutons la fin du discours ya Mahubiri. Sikiliza mwisho ya Mahubiri. Crains Dieu et observe ses commandements. Ogopa Mungu na upate kutii ma amri yake. C'est là ce que doit faire tout homme. Ile njoo inapasa kufanya mtu yote. Sans exception. Bila kutosha hata moya. Car Dieu Mungu amènera toute œuvre en jugement. Atapelekaka kila tendo mkuisambisha. Au sujet de tout ce qui est caché. Kumambo yenye yote ni kufichama. Soit bien, ikuwe ya mzuri, soit mal, au ya mubaya. C'est vrai frère, ni kweli nduku. Quand nous quittons les noces, wakati tutatoka kule kukaramu, avant d'aller régner avec Christ, mbele ya kwenda kutawala pamoja na Kristo, nous devons passer par le tribunal de Christ. Tunapasa kupita mu hukumu ya Kristo. Après que nous soyons jugés selon les œuvres que nous avons posées dans nos corps, kisha kutusambisha kufatana na matendo tulitendaka mu mwili, c'est alors ndio sasa que nous aurons le droit, tutakuwa na halali, de juger les autres. Ya kuhukumu bengine. Nous devons être jugés devant le tribunal de Christ. Tutasambaka kumbele ya hukumu ya Kristo. C'est pour que nous atteignions la perfection. Ni juu tupate kufika kukamilifu. Nous devons passer devant le tribunal de Christ. Tunapasha kupita hukumu ya Kristo. Pour être jugés par les juges justes. Juu ya kutambishiwa na mwamzi wa haki, afin qu'il nous donne sa justification et son couronnement. Juu atukaburie haki yake na taji yake. Nous avons besoin de sa justice. Tuko na hitaji haki yake. Nous avons besoin de son couronnement. Tunahitaji taji yake. Lorsque maintenant nous serons justifiés et couronné, wakati sasa tutahesabiwa haki na kuwekewa taji, c'est à ce moment-là, ni mwile wakati, que nous serions prêts, tutakuwa tayari, à aller siéger avec Christ, ya kwenda kuikala pamoja na Kristo, pour régner avec lui, juu ya kutawala pamoja naye. C'est vrai, ni kweli. Nous passons devant le tribunal de Christ, tuko napita mbele ya hukumu ya Kristo, pour être jugé sur chaque chose que nous avons commise dans notre chair. Lui, Jésus-Christ, le juge juste, il va maintenant nous donner sa justice, nous recevrons sa justification. Atatukaburia sasa haki yake na tutahesabiwa haki. Et il va nous couronner. Na atatuweka taji. Pour nous donner droit. Juu atukaburie ruhusa. De juger les autres. Ya kuhukumu wengine. Et aussi d'aller régner avec lui. L'église est avec moi. Na pia tena kwenda kutawala pamoja naye. Eti kanisa iko nanifuata. Parce que c'est lui qui juge les autres. Juu ni yeye ndio iko na ahukumu wengine. Doit être juste. Anapata kwa haki. Vous voyez, munaona, il ne faut pas que vous soyez accusé en tant que juge. Aupache baanze kukustaki sawa vile huko mwamzi. Qu'on retrouve des choses à redire sur votre vie. Bapate kupata bintu vya kusemea yule wa maisha yako. C'est de cette manière, ni mwile namna, que nous passerons devant les juges justes. Pour recevoir notre justification et notre couronnement, à ce moment-là, nous serons prêts à juger les autres et nous serons prêts à aller avec lui pour siéger et régner. Cependant, ce jugement, qu'il y aura distribution de différentes couronnes que nous recevrons selon la vie que nous avons menée. Nous sommes déjà sauvés, c'est vrai. Nous avons le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais nous nous sanctifions davantage. C'est pour recevoir les couronnes, la couronne. C'est pour être couronné. Et nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Chacun aura sa couronne. Conformément à la vie qu'il a menée sur la terre et conformément au jugement qui a été établi sur lui devant le tribunal de Christ. C'est vrai. Lui, yeye, le juste juge. Mwamzi wa haki. Frère, Nduku, vous serez jugé. Utasambaka. Comment tu as géré ta femme? Namna kani uliongozaka bibi yako? Comment tu as géré tes enfants? Namna kani uliongozaka batoto yako? Frère, sœur, dada, tu seras jugé. Utasambaka. Comment tu as géré ta maison? Namna kani uliongozaka nyumba yako? Quel a été ton comportement devant ton mari? Quel a été ton comportement devant les enfants? Même notre comportement devant les visiteurs qui nous ont rendu visite dans nos foyers, la manière dont nous les avons traités, nous serons jugés. Comment on a exercé notre hospitalité. Chaque don que tu as reçu de la part du Seigneur, vous serez jugés, nous serons jugés, comment nous l'avons géré. Dieu t'a donné l'argent. Comment as-tu donné, as-tu géré cela? Dieu t'a donné les biens. Comment as-tu géré cela? L'as-tu géré dans les comptes, dans les comptes? Dans les comptes de Christ? Dans le compte du royaume, ou l'as-tu géré avec égoïsme? Même les sentiments de nos cœurs seront jugés. C'est vrai, frère. C'est vrai, sœur. Et c'est à ce moment-là que Christ lui-même, selon le jugement qu'il aura établi sur nous, après sa justification et son couronnement, c'est à ce moment-là que nous serons prêts à aller régner avec lui et siéger avec lui. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. C'est comme à l'école. Pour vous faire comprendre cela, vous pouvez être 50 dans une classe. Il y a les 5 premiers. Il y a les 10 premiers. Et il y a le reste. Et chacun a une place qu'il occupe. Celui qui est le premier ne peut pas, s'il y a eu, supposons sur 50, il y a eu 30 qui ont reçu. Les 30 n'ont pas reçu avec les mêmes points. Les points que chacun a, il les a conformément à la manière dont il a travaillé. Vous voyez? Et quand le premier est proclamé, lui, on lui donne un cadeau d'or. Le deuxième, on peut lui donner un cadeau de diamant. Le troisième, on peut lui donner un cadeau en bronze. Le quatrième, on peut lui donner un cadeau en aluminium. Vous voyez, ainsi de suite. Mais celui qui est dixième ne peut pas recevoir le même cadeau que le premier. Mais celui qui est trentième ne recevra pas le même cadeau que le premier. Mais tout le monde a réussi. Tout le monde va dans la classe supérieure. Mais les récompenses se diffèrent les uns les autres. Vous êtes avec moi. Voilà pourquoi il faut travailler. Nous vous avons toujours dit, quand vous négligez la parole, vous négligez l'œuvre de Dieu, vous serez payé sur base de quoi? Vous serez couronné sur base de quoi? Oui, bien, mes frères. Même lorsque nous serons de l'autre côté, nous n'aurons pas la même apparence. Il y a ceux qui brilleront comme le soleil. Les autres brilleront comme les étoiles. Vous voyez, bien, mes frères. Suivant la vie que nous avons menée. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Après avoir passé devant le tribunal de Christ, il y aura maintenant distribution des différentes couronnes. Il y aura la couronne de justice. Il y aura une couronne incorruptible de la gloire. Il y aura une couronne de vie. Il y aura une couronne de gloire. Il y aura une couronne d'or. Ça, c'est pour Christ. Il est Dieu à Christ. C'est lui qui recevra cette grande couronne en or. Dans 2e Timothée, lisons un peu quelque chose. Il y aura différentes couronnes après avoir passé au tribunal de Christ. Après avoir été jugé selon ce que nous avons fait. 2e Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. C'est Paul qui dit. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, aina tu paka kwangu, mais encore lakini, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Lakini, na kwa bote bale batapenda kuja kwake. C'est vrai. Kweli. Paul, Paulo, savait comment il avait marché avec le Seigneur. Aliwaka namna kani, alitembeaka na Bwana. Il dit, anasema, j'ai achevé la course. Safari. Après avoir fait un bon combat de la foi, j'ai gardé imani. La foi. Imani. Maintenant, il y a une couronne de justice qui m'attend. Christ me réserve cette couronne de justice. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui aiment son avènement, il commence déjà à se purifier. Parce qu'il y a une récompense. Dans 1 Pierre, chapitre 5, dans son verset 4, et lorsque le souverain berger paraîtra, 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, Pedro, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. La couronne incorruptible de la gloire. Lui, le véritable berger. Mchungaji wa byakweli. Lui, le juste juge. Yeye mwamzi wa haki. Après qu'il nous ait jugé. Kisha yeye kutusambisha. Chacun de nous. Kila moja wetu. Sera récompensé. Atalipiwa. Selon la vie qu'il a menée. Patana maisha yake. Lorsqu'il était dans le corps. Wakati alikuwa mumwili. Dans Jacques au chapitre 1. Yakobo sura yake ya kwanza. Dans son verset 12. Mutari yake ya 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est vrai. Nous recevrons la couronne de vie. Nous qui aimons la parole de Dieu. Nous qui aimons le Seigneur Jésus-Christ. La parole de la vérité. Nous serons récompensés. Dans Apocalypse chapitre 10. Chapitre 2. Chapitre 2 verset 10. Sura ya pili mstari ya 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Dans 2e Thessaloniciens. S'il vous plaît, 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. Sura ya pili. Dans son verset 19. Mustari yake ya 19. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Naneno ya Mungu. Il ne faut pas jouer dans votre marche avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 2, wa Thessalonika wa kwanza sura ya pili, dans son verset 19. Mustari ya 19. Quelle est en effet l'espérance pour notre joie? Ni nyenye nyenye kuya matumaini na furaha yetu. Notre couronne de gloire. Taji yetu ya utukufu. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus? Aina na mwe pia mbele ya Bwana wetu Yesu. Lors de son avènement. Mwakati ya kuya kwake. Ce sont des couronnes de vainqueurs. Ni mataji ya bashindaji. Mais qui seront différentes les unes des autres, il est à quoi, quoi, chana, imoya na ingine, selon la vie que chacun de nous a mené. Kufatana na maisha, ila kila mmoja wetu alikalaka mkuishi. Lorsqu'il était dans son corps, wakati alikuwa mumwili. Dans Apocalypse au chapitre 14, mu ufunuo sura yake ya 14. Dans Apocalypse chapitre 14, ufunuo 14, dans son verset 14, Mustari ya kumi na ine. La Bible dit, j'ai regardé. Biblia tena nitazama. Voici, il y avait une nuée blanche. Tazama kulikuwa wingu mweupe. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Na yule ile wingu kulikuwa moya alikuwa na ikala mwenye kufanana na mwana wa Mungu. Ayant sur sa tête une couronne d'or. Mwenye kuwa na pakichwa yake taji ya dhahabu. Et dans sa main une faucille tranchante. Na kumkono yake mupanga ya makali. Vous voyez, mnaona? Christ lui, Christ yeye, il a la couronne d'or. Eko na taji ya dhahabu. Oui bien-aimé frère. Ndio mpendwa nduku. Oui bien-aimé sœur. Ndio mpendwa dada. C'est après avoir été couronné, ni kisha kuwekewa taji, après notre jugement, kisha kufambishwa kwetu, après notre justification, kisha kuhesabiwa kwetu kwa haki, c'est alors que nous aussi, ni mwile wakati siye pia, nous allons juger les autres, tutafambishaka bengine, selon ce qui est écrit, kufatana ile yenye kuandikwa, dans 1 Corinthiens chapitre 6, wa Korinto wa kwanza sura ya 6, dans son verset 2 à 3, wa Korinto wa kwanza sura yake ya 6, 1 Corinthiens chapitre 6, wa Korinto wa kwanza sura ya 6, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2 à 3. Wa Korinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 2 na ya 3. Ne savez-vous pas? Amujue que les saints jugeront le monde? Kusema batakatifu bata sambishaka dunia. Et si c'est par vous que le monde est jugé? Sasa kama ni kupitia mwe êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Na nikubantu bale benye kanisa aiyue mweko na bali sana ba miukumu. A votre honte. Niko na isema juu haya yenu. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Unaona bapendwa ndugu na dada. Vous voyez bien mes. Unaona bapendwa. Nos affaires en tant que chrétiens, que chrétiennes. Mambo yetu sawa ba Kristo banome na banamuke. Ne doivent pas être traités par les païens. Aiweze kutambishiwa na bapagano. C'est lui qui prend son dossier, son problème, et qui l'amène aux païens. Mwenye kubeba mambo yake na kuipeleka kwa pagano. Il foule aux pieds le sang de Christ. Eko na finyanga ku mikulu damu ya Christ. Et il méprise l'église du Seigneur. Na eko na beula kanisa ya Bwana. Dieu ne peut pas établir une église comme elle est ici. Mungu asiwezi kuweka kanisa sasa hivi iko hapa. Et qu'il manque de juges. Na kukosewe baamzi. Pour régler le problème de chacun. Juu ya kumaliza mambo ya kila moja. Non bien aimé frère. Hapana mpendo wa ndugu. Non bien aimé sœur. Hapana mpendo wa dada. Vous, weye, qui prenez vos problèmes de votre vie en tant que chrétien, vous allez les exposer devant les païens, vous serez jugé. Wewe mwenye kubeba mambo yako na kuipeleka kwa pagano utasambaka. Si vous êtes incapable, kama unashindwa, de venir déposer ton dossier devant les saints, ya kupeleka mambo yako mbele ya watakatifu, vous les déposez devant les païens, unaenda kupeleka mbele ya wapagano. C'est un signe qui prouve que tu as le mépris à l'égard du royaume de Dieu. Ni alama yenye iko naonesha kusema uko na kadharau kwa ufalme ya Mungu. Et vous répondrez pour cela. Na jua ile utasambaka. Et vous êtes indigne. Na austairi. Voyez bien mes frères. On a appelé dans c'est comme on l'avait dit. Ni vile Paul quand tu prends tes problèmes de ton couple. Kama nabeba mambo ya mundoa yako. Les problèmes de ta propre famille toi en tant que chrétien. Mambo ya mujama yako sasa Kristo. Vous allez l'exposer dans une conférence familiale. Unaenda kuipeleka kwa mkusanyiko ya mafadhali. Vous répondrez pour cela. Utasambaka juu ya hili. Quand tu le fais, il n'y a pas un problème. Wakati unafanya hapana mambo. Mais lakini sache que pate kujua kusema. Vous serez jugé. Utasambaka. Sache que vous répondrez pour l'avoir fait. Utasambaka kile kitendo ulifanya. Voyez bien mes frères. Unawapendwa ndugu. Voyez bien mes sœurs. Unawapendwa dada. Nous jugerons le monde. Utasambishaka dunia. C'est pourquoi dès aujourd'hui Dieu nous a doté d'un discernement et une sagesse pour juger le problème de la vie. Ndio kwa maana kuanzia hapa sasa Mungu alitukaburia hekima na kutambua kwa vitu juu ya kukata kwa mambo ya dunia. Dans le monde, ou dans nos familles, yetu, il n'y a pas des gens sages. Non, frère. La sagesse vient de Dieu. Hekima natokea kwa Mungu. Quelqu'un qui est païen, qui est habité par les mauvais esprits, a quelle sagesse? Mtu mwenye kwa mpagano na roho mchafu yuko na hekima gani? Regarde ce que nous voyons pendant les deuils. Angalia vile tunaonaga wakati wa bilio. Quand il y a des manifestations dans les familles biologiques. Wakati unakuwa matokeo mwa jamaa ya mwetu wa mwili. Nous voyons des ceux qui sont forts financièrement. Benye kwa na makuta ya mingi. Quand dans la famille il y a quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Mwa jamaa kama mtu yuko na makuta ya mingi. C'est lui que tout le monde prend dans cette famille comme juge. Ni yendo batamubeba mujamaa yote sa muhamu. Il s'impose avec orgueil à cause de son argent. Na eko na kata bintu na kiburi ya fedha yake. Nous en tant que chrétiens, lakini sisi wa Kristo, nous avons notre or et notre argent. Tuko na fedha yetu na dhahabu yetu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Nous faisons toutes choses. Tunafanya kila kitu. Sur base de la parole de Dieu. Kwa misingi ya neno ya Mungu. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Craignons. Tuogope. Parce que le tribunal de Christ est devant nous. Ju hukumu ya Kristo iko mbele yetu. Dans Jude, mon Jude, qui n'a qu'un seul chapitre, mwenye kwa tu na sura moya, dans son verset 14 et 15, mustari yake ya kumi na ine, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, nani vile pia Enoke wa saba kutangia Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses milliards pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Vous voyez, les paroles qui sortent de votre bouche, vous serez jugé. C'est vrai. Alors s'accomplira aussi Matthieu 25 Dans son verset 31 à 32, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, avec tous les anges, et il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Dans Apocalypse au chapitre 10, Apocalypse chapitre 20, verset 4. Le jugement vient. Dans son verset 4, nous lisons. Et j'ai vu des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la fin de la première résurrection. Ni mwisho ya kufufuko ya kwanza. Ici c'est l'épouse. Apa, voyez, ni bibi wa harusi, mnaona? Il y a le trône de l'épouse. Mungu maezi ya bibi wa harusi. Qui vont juger et les vierges folles. Bale wata hukumu na babikira wapumbafu. Et les nations avec Christ. Na mataifa pamoja na Kristo. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Dans Apocalypse au chapitre 3. Dans son verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Dans Daniel au chapitre 7, Daniel sura yake ya saba, dans son verset 26, la Bible dit, oui, viendra le jugement. Kisha kutakuya hukumu. Le jugement des nations. Hukumu ya mataifa. Et non le dernier jugement. Apana hukumu ya mwisho. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Oui, bien aimé frère et soeur, c'est vous, après avoir été jugé et reçu des couronnes, à ce moment-là, vous serez en mesure de juger les autres. C'est vrai. Et à ce moment-là, vous rendrez un jugement juste. Dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée au chapitre 4. Timothée au chapitre 4. Dans son verset 1, Mustari ya kwanza, la Bible dit, Biblia inasema, 2 Timothée chapitre 4 verset 1, Timothée wa pili sura ine, mustari wa kwanza, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, niko na kuhakikishia mbele ya Mungu na mbele ya Kristo, qui doit juger les vivants et les morts, ule atasambishaka benye kwa et au nom de son avènement, na mungina ya kuya kwake, et de son royaume. Na ya utukufu yake. Prêche la parole. Ubiri neno. Vous voyez bien mes frères. Unaona pendo nduku. Nous serons jugés. Tuta sambaka. Et après notre jugement, na kisha kusamba kwetu, et notre couronnement, na kuwekewa kwetu kataji, à ce moment-là, mwile wakati, nous serons maintenant en droit de juger les autres. Tutakuwa sasa na ruhusa ya kuhukumu wengine. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est à ce moment-là, après ce jugement, ni mwile wakati kisha hukumu, que s'accomplira encore, kule kutatimilika tena, cette écriture, ya andiko, que nous lisons dans Esaïe 45, il est tout comme dans Isaïe 45, verset Mustari 23 et 24 à 24. Na 24 na 4. Je le jure par moi-même. Na ilapa kwa mimi mwenyewe. La vérité sort de ma bouche. Ukweli kunatoka ni mkinywa kiangu. Et ma parole ne sera point révoquée. Na neno yangu haiwezi kurudia. Tout genou fléchira devant moi. Kila goti tapiga kumbele yangu. Et toute langue jurera par moi. Na kila kabila italapa kupitia mie. En l'éternel seul me dira-t-on. Kwa milele pekee batanyambia. Réside la justice et la force. Kunapatikana waki na nguvu. À lui viendront pour être confondus. Kwake batakuya juu wapate upatisho haya. Tous ceux qui étaient irrités contre lui. Bote bale ambayo bali mushirikiaka. Par l'éternel. Kupitia wa milele. Seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Batahesabiwaka haki na kutukuzwa kizazi kyote kya Israel. Et après que Dieu ait accompli toutes ces paroles ici, na kisha Mungu timiza hii maneno yote, parce que tout le monde donnera gloire au Seigneur, ju batu bote bataleta kutukufu kwa Bwana. Alors, sasa, deuxième Thessalonicien, wa Thessalonika wa pili, chapitre 1, sura ya kwanza, dans son verset 10, mstari ya 10, s'accomplira, itatimilikaka, qu'est-ce qui s'accomplira, ni nini itatimilikaka, Christ, Christu, sera glorifié, atatukuzwaka, par ses saints, kupitia batakatifu bake, après que nous soyons couronnés, taji, nous allons aussi couronner tutaweka tena taji, le roi des rois. Mfalme, nous lui dirons, mwambiaka, nous ne méritons rien. Kintu, nous ne méritons, nous disons, tutasema, la couronne que tu nous as donnée, taji, nous la méritons pas. Si nous l'avons mérité, c'est par l'œuvre du calvaire. Kazi ya msalaba, c'est par ton sang. Damu yako. Si tu n'avais pas versé, tu n'avais pas versé ton sang, damu, on ne recevrait pas kupacha, nous prendrons nos couronnes yetu, et nous les jetterons sur Christ en disant, yule ya Christu mkusema, c'est toi qui mérites la gloire, c'est toi qui mérites l'honneur, c'est toi qui mérites la puissance. Uwezo. Deuxième Thessalonicien, chapitre 1, verset 10. Wapili, sura ils auront pour châtiment une ruine éternelle, batakuwa na hukumu kuharibika kwa milele, loin de la face du Seigneur, mbali na uso ya Bwana, et de la gloire de sa force, na ya utukufu ya Mungu, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints, juu ya kutukuzwa kwa watakatifu wake, et admiré dans tous ceux qui auront cru, kwa bale walitikia, kwa bale waliamini. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Il sera glorifié dans ses saints. C'est après cela que le millénium viendra. Et quand le millénium vient, le royaume d'Israël sera maintenant itakuwa sasa établi. Itawekwa. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Et dans le millénium, na miaka elfu moja, Christ régnera comme roi, comme fils de David. Atatawalaka sawa mfalme, sawa mwana wa Daudi. Oui, bien aimé frère et soeur. Ndiyo bapendwa nduku na dada. À ce moment-là, mwile wakati ile, Israël va retrouver son royaume. Atapata ufalme yake. Daniel chapitre 7, Daniel sura yake ya 7, verset 13, mustari ya 13. Daniel chapitre 7, Daniel sura yake ya 7, verset 13, mustari ya 13, jusqu'à 14, nous lisons. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est à ce moment-là qu'il y aura la paix. C'est à ce moment-là qu'il n'y aura plus de guerre. Dans son verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et les dominateurs les serviront et lui obéiront, et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Là c'est Christ en tant que fils de David qui règne maintenant dans le millénium. Dans Ézéchiel au chapitre 34, il régnera et son règne ne passera plus, sa domination ne passera plus. Ézéchiel 34 verset 23. Ézéchiel 34, verset 23-24. J'établirai sur elle un seul berger. Qui le fera paître? Mon serviteur David. Il le fera paître. Il sera leur berger. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera le prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, je parlais. C'est vrai, frère. Dans Ézéchiel 37. Dans son verset 8. Mais allons dans son verset 27. À 28, nous lisons. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il sera roi. Vous pouvez encore lire dans Jérémie au chapitre 8, dans son verset 9. Voyez bien-aimés frères, voyez bien-aimés sœurs, et le royaume d'Israël sera rétabli. Et à ce moment-là, le plan entier des 70 mains de Daniel sera entièrement achevé. C'est vrai. Mais quand vous lisez dans les Saintes Écritures, il y a des questions qui traitent de l'indépendance d'Israël. Si nous prenons Esaïe 66, kama tunabeba Isaya makumi sita na sita, dans son verset 7 à 8, mustari ya sita na ya saba, ce verset parle de l'indépendance d'Israël. Ima verse qu'on a semé à Dieu à Ouru et à Israël. L'indépendance qu'il a eue en 1948. Ouru il est reparti comme 1948. La Bible avait déjà annoncé cela. Biblia ilikuwa ishakutangazaka ile. Mais cela s'est accompli le 14 mai 1948. Lakini ilitimilikaka le 14 mai 1948. Dans son verset 7, Musari yake ya 7, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Mbele yake kushikia maumivu alizalaka. Avant que les souffrances lui viennent, Mbele elle a donné naissance à un fils. Mbele yake kupata mateso alizalaka mtoto mwanaume. Qui a jamais entendu pareille chose? Nani atakushikiaka mambo ya hivi? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Sioni alizala mwana wake. Ouvrirai-je le sein maternel? Pour ne pas laisser enfanter de l'Éternel, Dieu a moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter de l'Éternel, dit ton Dieu. Naweza kuzibilia kuzala hivi Mungu anasema. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Furahini pamoja na Yerusalema. Faites de le sujet de votre allégresse. Muifanye na kuya shina ya furahini. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Mupate kushikwa pamoja naye furaha. Vous tous qui menez sur elle, mwebote mudeanza kuria pamoja juu yake. Vous voyez, munaona. Nous qui aimons Israël, sisi ni kupenda Israël, nous nous réjouissons avec lui. Tuna furahi pamoja naye. De voir cette nation être indépendante. Mukwona inchi inakuwa na uhuru. Dans Ésaïe au chapitre 11. Mu Isaya sura ya 11. Dans son verset 12 à 14. Isaya 11 mstari wa 12 na 14. Ah, vous verrez comment cette nation a été enfantée. Namna ile inchi ilizalikaka. Et ce verset parle de l'indépendance d'Israël. Na hii verset kunasemea juu ya uhuru ya Israël. Regardez aujourd'hui, aujourd'hui, leo, il y a les Arabes, kuko barabu, les Palestiniens, ba Palestinia, qui font beaucoup de bruit dans le monde, réclamant le territoire d'Israël. Benye kulomba jimbo ya Israël. Et même, ils ont même gagné l'opinion de l'ONU. Na, atavil bariwina ako madaraka ya ONU. Et ils pensent que c'est Israël qui doit céder des territoires aux Palestiniens. Mais cela est faux. Le territoire qu'occupe Israël lui a été donné par Dieu lui-même. Et dans la Bible, Dieu a même délimité les territoires que doivent occuper les enfants d'Abraham. Et quand nous regardons les Écritures, vous constaterez qu'Israël n'a pas encore occupé le territoire que Dieu lui avait assigné. Il doit encore conquérir d'autres territoires qui sont encore sous occupation. Ce n'est pas Israël qui occupe les territoires d'autrui, mais ce sont les Palestiniens qui occupent le territoire d'Israël qui doivent céder. Israël n'a pas de territoire à céder aux Palestiniens. Au contraire, il doit récupérer d'autres territoires qui ne sont pas encore sous son contrôle, que Dieu du ciel lui a donné. Lorsque nous prenons dans la Genèse chapitre 15, Genèse au chapitre 15, verset 18 à 21, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Les pays des Kenyans, des Kenésiens, des Cadmoniens, des Éthiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gergésiens et des Jébusiens. Vous voyez, Dieu a même délimité le pays que les enfants d'Abraham devaient occuper. Même les Gaza, c'est le pays d'Israël, c'est le territoire d'Israël. Vous voyez, frère, quand vous prenez dans Josué, au chapitre 1, à partir du verset 4, le territoire d'Israël est bien connu. Bien délimité par Dieu lui-même. Nous ici au Congo, ce sont les blancs qui nous ont donné le territoire. Même quand vous dites que non, les Congo c'est le territoire que Dieu nous a donné, vous mentez, ce sont les blancs qui vous ont donné. Mais le territoire d'Israël, c'est Dieu qui a donné, qui lui a donné. Vous voyez, Josué chapitre 1 verset 4. Vous aurez pour territoire, d'abord, toute plante que vous foulerez, que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Les territoires des Éthiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Prenez Nombre chapitre 34. Dans son verset 1 à 12. Le territoire que doit occuper Israël est bien limité par Dieu lui-même. C'est ainsi, lorsque Israël est rentré dans son pays, les Arabes et les Palestiniens, qui n'occupaient pas ce terrain avant, parce que ce territoire était vide. Vous voyez, c'est lorsqu'Israël maintenant est venu l'occuper après l'indépendance, et ses ennemis ont commencé à réclamer ce territoire. Mais avant qu'Israël l'occupe, où est-ce qu'ils étaient? C'est seulement de la méchanceté. Mais maintenant, lorsque Israël est retourné dans son pays, Israël, donc les ennemis, les Arabes et les Palestiniens, ont commencé à faire la guerre à Israël, parce qu'ils voulaient à tout prix ravir même le petit territoire d'Israël qu'il a. Et pourtant, ils n'avaient pas encore occupé tout ce que Dieu lui avait donné. C'est ainsi qu'il y a eu la guerre de 6 jours, du 5 au 10 juin 1967, il y a 5 et 10 juin 1967. Et dans cette guerre, Dieu a permis à Israël de récupérer d'autres territoires qui lui appartenaient. Et dans cette guerre de 6 jours, de 1967, dans laquelle Israël a récupéré d'autres territoires pour essayer d'élargir son territoire, son pays. Aujourd'hui, c'est ce que les Palestiniens réclament auprès de l'ONU. Ils disent non, Israël est un occupant. Il doit céder le territoire. Cela est faux. Vous voyez bien, mes frères, dans tous les territoires là que Israël a gagné pendant la guerre de 6 jours, il n'est que dans le pays que Dieu lui avait donné, il n'a même pas récupéré tous les territoires. C'est ainsi. Comme conséquence de cette guerre, Israël avait récupéré, Israël a ripataka, premièrement, Chakwanza, le Sinaï, Sinaï, qui est une partie de l'Égypte. Deuxièmement, Kapili, il avait récupéré Aripatakatena, la Cisjordanie. Cisjordanie. Qui est l'ancienne Samarie et Judas et Judée qui est le territoire d'Israël. Troisièmement, ils ont récupéré le plateau de Golan qui est l'héritage de la tribu de Dan. Vous voyez? Donc dans cette guerre de 6 jours, Dieu a permis à Israël de récupérer premièrement le Sinaï, qui est une partie de l'Égypte. Il a récupéré la Cisjordanie, qui est l'ancienne Samarie, et Judée qui est l'héritage d'Israël. Troisièmement, il a récupéré le plateau de Golan, le plateau de Golan, et l'héritage de la tribu de Dan. Il a récupéré Gaza, qui est l'héritage de la tribu de Judas. Il a récupéré le sud du Liban. Vous voyez, non. Lorsque j'étais là, parce que ça se trouve sur une montagne, cette partie-là, donc la barrière qui sépare, c'est une barrière métallique qui sépare le Liban et Israël. Quand vous êtes à la frontière là, vous voyez même les poules, les moutons, les vaches, les voitures, les klaxons. Vous voyez? Non. Vous les voyez, vous êtes sur la montagne. Oui, et en bas là, les avenues, les maisons, Manumba, les gens, vous les voyez. Manumba. Même sans lunettes. La table à lunettes. C'est à quelques mètres, c'est même pas un kilomètre. Ni karibu tu. Ils sont seulement séparés par une clôture faite en fil barbelé, mais qui est bien sécurisée, que vous ne pouvez pas traverser. Dans le plateau de Golan, il y a les avions d'Israël. Ils sont 24/24 en train de surveiller l'ennemi. Vous voyez bien mes frères. Il a récupéré cela. Il a même étant récupéré la sixième partie. C'est Jérusalem Est. Jérusalem Est. Qui est le territoire de la, qui est l'héritage de la tribu de Judas. C'est ce que Israël avait récupéré dans la guerre de 6 jours. Vous voyez, maintenant, nous devons comprendre qu'il n'a pas encore récupéré d'autres territoires tels que Dieu les avait donnés. Mais lorsque nous serons au millénium, son royaume sera entièrement rétabli. Il n'y aura pas une partie du royaume d'Israël qui sera entre les mains des nations. D'ailleurs, ce sont les nations qui viendront des quatre coins de la terre pour venir adorer à Jérusalem. Je n'ai pas le temps d'entrer là-bas. Vous voyez. Alors, chacun dira, allons à Jérusalem pour adorer Dieu. Parce que sur toute la terre, c'est seulement à Jérusalem, au temple de Jérusalem, il y aura le véritable Dieu, le véritable roi. Il sera l'unique Dieu, l'unique éternel, l'unique roi sur toute la terre. Et toutes les nations vont s'agenouiller devant lui. Ils lui donneront gloire. Et Israël sera rétabli. Et personne ne va le troubler. Et il sera en paix. Dieu va essuyer ses larmes. Toute sa souffrance sera derrière lui. L'uniquité, son uniquité sera expiée. Ses transgressions et ses péchés pardonnés. Il vivra maintenant éternellement dans la face de l'Éternel. Mais nous, en tant qu'épouse, nous serons dans la Jérusalem céleste. Voyez. Et les gens qui viendront là adorer à Jérusalem, qui viendront des nations païennes là, comme je l'ai déjà expliqué, il y aura des nations païennes inconverties qui vont vivre au millénium. Quand ils viendront adorer à Jérusalem, donc comment ils commenceront à poser la question aux Israélites. Ce que nous voyons là-haut, c'est quoi? Il dit que c'est la nouvelle Jérusalem. Parce qu'elle sera en forme d'une pyramide. Et qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y vit des hommes célestes. C'est là où vit la femme Bibi de Christ. Pas Christ. Vous voyez? Non. Quand nous quittons le nom de l'agneau, nous serons pour entrer dans le millénium, nous ne serons plus appelés l'épouse de Christ. Dans le millénium, dans la nouvelle Jérusalem, nous serons la femme de l'agneau, la femme de Christ. Et là, nous régnerons avec lui d'éternité en éternité. Milele na milele. Bénisse. Bwana amibariki. De belles promesses. Malako mzuri. Ça fait beau d'entendre ces choses. Ni mzuri ushikia bintu. Ces choses, vous ne pouvez pas les écouter dans les groupes de prière. Ibi bintu amweza kubishikia mbinkunji vya maombi. Chez les catholiques, non. Ba katolika apana. Chez les pentecôtistes, non. Ba pente apana. Chez les adventistes, non. Ba shika sabato apana. Vous voyez? Nona. Ça, c'est notre nourriture. Hii ni chakula yetu. Et nous disons na tunasema que Dieu soit loué, Mungu asifiwe, pour nous avoir envoyé un prophète Dieu kututumia nabii, afin de nous éclairer sur ces choses. Dieu kutuangazia kwa hivi vitu. Nous ne le connaissons pas parce que nous sommes intelligents. Atubijue kwa sababu tuko na akili. Non. La grâce de Dieu, neema ya Mungu, est venue jusqu'à nous ilitufikia na sisi par la voie de la révélation. Kupitia njia ya ufunuo. Et maintenant na sasa, nous pouvons comprendre tout le plan. Nous comprenons notre plan du salut qui traite le salut des nations. Nous comprenons aussi le plan d'Israël. Parce que nous allons y vivre avec eux. C'est même un mystère. Voyez. Parce qu'eux aussi seront aussi sauvés comme nous. Ils recevront le même Saint-Esprit comme nous. Vous voyez. Ils croiront au même Christ comme nous. Mais nous avons de l'avantage. Israël ne sera pas enlevé. Israël va rater les noces de l'agneau. Mais nous, qui serait traité comme chien, comme ils avaient rejeté Christ, il nous a fait faveur. Nous serons maintenant la femme de l'agneau. Quelle grâce. Voyez bien mes frères. Nous sommes les plus privilégiés que Israël. Nous allons manger pendant ce temps. Comme l'a toujours chanté. Tutakunywa pendant ce temps. Mumiaka saba. Frère. Ndugu. Ile byakuria abita leta malari. Bile byakuria biko na kupatia santé éternelle. Nous allons manger pendant ce temps. Tutakula miaka saba. Mais Israël. Lakini Israël. Lui ne mangera pas ça. Yes, takula bile. Que Dieu vous bénisse. Bwana amibariki. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci, Seigneur. J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé. Tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur. J'étais loué, Seigneur. J'étais loué, Seigneur de tout cœur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, de tout cœur. Tu m'as aimé. Tu m'as cherché. Tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Oh, tu m'as cherché. Tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, merci, merci. Merci, merci. Oh, merci. Merci, Seigneur, de tout cœur. Merci. Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Prions-nous tous ensemble. Tombez-moi, Seigneur.